Mes frères, c'est non. La secte avec un truc excellent. Ma secte avec un truc excellent. Arrête de faire la tête, on va te la mettre aisément. Des textes saignants. Mes frères, c'est non. La secte avec un truc excellent. Ma secte avec un Z avec un excellent. Arrête de faire la tête, on va te la mettre aisément. Des textes saignants. On me dit, mais ouais, c'est non. C'est quand on voit partout, faut que tu perces des textes saignants. Viens mettre des vrais beignes, j'aime comme une pleine graine. Ma secte, c'est ma reine. Tu ne peux pas faire la même. Je laisse cette merde jusqu'à ce que ça sente la mienne. À peine un pied sur scène, tu comprends qui fait son entrée. On n'entend plus personne, où sont ceux qui se sont vantés. Troisième album du Z, on a toujours pas signé. C'était soit le rap, soit le star, soit devenir magasinier. Ils ont trop de coke dans le nez, trop de codéine dans le gobelet. Tes couplets sont trop coupés, tes concerts sont pas complets. Je vais arracher le destin, tant pis si il est pas content. Le bâtard est dur en affaire et je veux lui mettre depuis longtemps. Laisse les petits dans le hall, on va régler ça comme des darons. On va te plier en Z jusqu'à ce que tu demandes pardon. Je vais couper si t'as le bras long. La secte avec un, voici l'équipe de Zouave. Retourne aligner des rimes avant que ma mine le voie. Je prends le métro, je vois Guédro, je commande Uber, j'ai plus d'air. Je quitte toute la France, jure sur les petits du maire. T'avances pas, t'es resté lent, même avec un cesse d'élan. Tu touches pas une bille, pourtant tu crois que t'as le noir excellent. C'est que je suis pas un novice. J'voltige jet les Chuck Norris pour mes homies. J'prendrai la couronne comme Clovis. Sous les coudes comme coin de la police. J'rap comme à Compton. J'te mets dans le coma pom pom. J'foutais ça y avait de la coke dans le cola. Des beaux rouges en Arizona. J'zone avec marijuana. Puis j'la bute au bout de mon cône. Voilà. J'veux même pas un bout de leur trône. J'veux chasser le zèbre au Botswana. Z sur la cova. Laisse couler la moula. Ils m'ont dit ton rap est plus à la page. J'm'en tape, j'me tue à la tâche. Sorti de ma mare sur la proue, je pointe le large. Tu coinces la chance sur les routes de l'espoir. Mélange ou frappe le coup, taillade lui le large. Souffrance ou pas saillante, puis les boîtes de thon à la catalane. Sa papaya, faut que la caillasse. Moi qui me pèse, c'est eux qui ramassent. Tiens, en laisse avec le peu qu'il ralasse. J'en être malade. J'vois pas le sommet 30 piges que j'escalade. Mes frères, c'est non. La secte avec un truc excellent. Ma secte avec un truc excellent. Arrête de faire la tête, on va te la mettre aisément. Des textes saignants. Mes frères, c'est non. La secte avec un truc excellent. Ma secte avec un excellent. Arrête de faire la tête, on va te la mettre aisément. Des textes saignants. Apparemment je suis excellent dans mes versets. Je te piétine, tes frères ramassent les pots cassés. Arrêtez de jacasser. Dans ma tête on touche pas à lasser. Le mental est d'acier, le cœur toujours glacé. T'es bon tu vas percer, pas la peine de forcer. Pour encaisser faut un space fou. Faut esquiver les tentations, la perquise, les arrestations. Je suis toujours dans la précision. Pour voir le Z ils font des pétitions. Que Dieu me donne bénédiction. Je baisse tout de Paris jusqu'à Sion. Le public subit l'agression. Crame ce pilon mec, j'ai fait trop de kilomètres. J'arrive un jour peut-être. Je me détends, je pique une tête. Ils vivent tous dans le paraître. Je suis sous camisole, tellement mieux quand je m'isole. Va caissonner pas ton idole. Délaisse la rue, va à l'école. N'entends-tu pas ce qu'on est capable de faire? Quand tu le verras, ce sera trop tard. Non, j'ai pas l'âge de perdre. Donc je fais ce qui me plaît dorénavant. Ouais, je suis discret, le tempérament d'une barre de fer. Apparemment, et nique ton père cordialement. Tout ce qui se raconte autour de moi me paraît vide de sens. Ouais, y'en a un qui dit ce qu'il pense, y'en a dix qui dansent. Avoir des rêves pour éviter de se pendre, c'est primordial, rien d'immoral. Tout vient d'un point, qui sait le prendre? Mes ennemis ne sont pas tout jeunes. Je marche pas accompagné. Je suis une équipe à moi tout seul. J'ai réussi à me contrarier. Être un artiste pour une si faible pitance. La meilleure des mélodies restera le silence. Non. La secte avec un truc excellent. Ma secte avec un truc excellent. Arrête de faire la tête, on va te la mettre aisément. Des textes saignants. Mes frères, c'est non. La secte avec un truc excellent. Ma secte avec un excellent. Arrête de faire la tête, on va te la mettre aisément. Des textes saignants. Mes frères, c'est non. La secte avec un truc excellent. Ma secte avec un truc excellent. Arrête de faire la tête, on va te la mettre aisément. Des textes saignants. Mes frères, c'est non. La secte avec un truc excellent. Ma secte avec un excellent. Arrête de faire la tête, on va te la mettre aisément. Des textes saignants. Mes frères, c'est non. C'est non, ma gueule. C'est non, c'est. Fatalement, ma gueule. C'est. Voilà, c'est.